l'antichambre sur Radio Hellebore 105.9 et www.radiohellebore.com. Bienvenue pour une nouvelle heure d'émission, l'antichambre avec l'oncle Ben. Bonsoir Hébert, comment vas-tu ? Très bien, merci. Donc ce soir, pour cette petite émission, on va s'écouter du bon son en vinyle, 100% vinyle je pense. 100% vinyle et pour moi que du 45 comme d'habitude. Que du 45 et que de la fraîcheur si j'ai bien compris. Oh, de la fraîcheur, on va dire, ça date un petit peu quand même. Ouais. Mais ça faisait un moment que je me tâtais de venir les jouer. Très bien, tu vas nous parler du label Dinct Records, si j'ai bien compris, entre autres. Voilà, surtout oui, le label Dinct Records qui ont la gentillesse de m'envoyer quasiment tout leur catalogue. Ils sont quasiment déjà à 20 sorties. Ils sont très prolifiques depuis qu'ils ont été créés, je pense, en fin 2015. Prolifiques et puis ils font vraiment des bonnes sorties dans tout ce qui est rap, funk, funky break. C'est vraiment très bon label qui a émergé récemment, mais qui assure bien. Bah, ils ont commencé beaucoup avec des classiques, on va dire, et puis maintenant, bah, y a des choses un petit peu plus, pas rares, mais plus originales, on va dire, des productions plus fraîches. Comme on les aime. Voilà, puis toi, de ton côté ? Ben, pour ma part, je vais vous faire traverser l'Atlantique. Je vais faire un petit ping-pong entre deux projets. C'est vraiment, enfin, deux projets, deux albums. C'est deux nouveautés. Le premier, ce sera The Bongo Hop, un projet qui prend ses racines en Colombie, mais à Lyon, près de chez nous également. Et puis l'autre album, c'est le dernier album de Bosk, Bosk of Whiskey Barons. Et c'est le morceau San José Cinquecento y Uno. Ah, voilà. Alors, ça demande des qualités linguistiques. Bon, bah, moi, je vais commencer donc la sélection. On commencera donc avec un morceau de DJ DSK. Aucun rapport avec... qui sait. Non, pas du tout. Et puis un MC anglais qui s'appelle Maestro. Ils avaient sorti un morceau, donc c'était surtout un concours de remix. Et donc je vais jouer le morceau original qui adapte un morceau de Eric B. and Rakim, qui est quasiment leur premier, qui s'appelle I Ain't No Joke. Donc on va s'écouter ça. Et le concours de remix, je me rappelle bien, c'est la phase B de ce petit 45. Ça avait été gagné par le duo DJ Suspect et Doc TMK. Mais moi de là je vous jouerai donc la version originale. Parfait. Et ben, on enchaînera avec la suite. On te laisse t'installer. Allez, c'est parti sur les 105.9 de Radio Hellebore. For your feet to step to, or something that your peeps could be nodding their head to. What's he on about, a beat? Nah, creeps, fool, listen to this. While putting feet on your kicks, a rhyme from the mind's diggy. If you don't know this, it's for the in their costume who keep their Reeboks pumped up like volume. And lads with sneakers, not many know, hoping that they go with your Benny Gold. Who know that four-letter word, you feel it under your toes, especially when you dance. So, find a new balance and let it work. A marathon in your Asics will never hurt, especially when this is playing in your iPod or something. Have your tongue out like Jordan when it's time for some jumping. To get what you wish, follow the leaders, there's no question. Every sneaker freak knows about soul heaven. It could be done, but only I could do it. While all you mother lovers tie up your Vans to it. I start to think that while it's fresh in these Pumas, or maybe I look better in Supras. Cleanse with a toothbrush or switch to flannel, then decide which will match with my king apparel I got. Soul. The lace is sexy, enough to send you all on a trainer's frenzy. The way they get attention like a fat gold chain, and have you looking at your own thinking that's so lame. So obey by the hundreds and pump your fist, cause we got a diamond supply when it comes to this. DSK makes the mix. As I adjust like snapbacks just to make it fit. So experiment like a scientist. If you're drawn to Converse, then decide what fits. The power's now possessed to walk across hot coal and pro kids. You know you gotta have soul, cause if you ain't got it, then you went to the wrong store. But woody power can give you a lot more if you're smart. And that's the way that you'll have to be, with that 5 panels gear on naturally. Think about it, but if you take your time then forget it. I'm already lacing mine, I'm in a new era. Keep my case Swiss so legit, the yours is looking like there might be a hole in it. This is how it should be done. Look, you see my style, it's identical to none. Some try to make it sound like they're limited editions. Well if it is, I hope my friend Quinton isn't missing, cause he'll drip steam, he's another sneaker fiend. No matter what Lacoste is, he'll be seen from west to east, packed with the knowledge I hold, cause my Stiggy's on the mic. And you know I got soul. Yeah. step back one time, step back two times, step back three times. Last night. Hello. Hey, check this out. I'm going to talk to y'all for a minute. Dig this here. I went to Italy, and I ain't never been there too many times. Do you know the mother booed me off the mother stage? The mother came up there and said, we don't play rap up here. But check this out. I was playing James Brown at the time. So now listen, gentlemen, it is start time. Are you ready for start time? It's indeed a great pleasure to present to you at this particular time. Mr. Dynamite, the man's a Mr. Please Please himself. He starred the show. Let me hear Baba now. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, that was nice. Let me hear Baba now. Oh, that was nice. Let me hear Baba now. Oh, that was nice. Let me hear Baba now. Now let me hear my man now, Mike. You've got the time. I've got the time. You've got the feeling. I'm gonna make it all right. We'll be right back. I want you to come back in. Voilà, ma sélection est terminée. Donc, elle s'est terminée avec un classique de Funky Drummer de James Brown. Mais là, je vais revenir un petit peu sur le début. Donc, c'était donc au début DJ DSK et Maestro pour le morceau I Know You Got Soul, mais S-O-L-E, donc qui fait référence au basket. Et en fin de compte, je vous disais, je vous parlais de Eric B. and Rakim, mais ça fait surtout penser au morceau de Bobby Bird qui s'appelle I Know You Got Soul, S-O-U-L. Donc un gros classique. Après, on a enchaîné avec un DJ qui s'appelle Mo-Matic, qui était en featuring avec Oxygen. Le morceau s'appelle Sure Shot. C'était remixé par Soundmakers. Et donc, c'est encore donc, un 45 sorti chez Dinked Record. Et c'est en fait deux 45, un peu ce qu'ils ont fait avec DJ Fedel. Et ils ont mis donc la version originale, le remix de Soundmakers et deux autres mix, un de Nick Bike et l'autre The Allergies. Et puis le troisième, c'était encore un disque un peu original du même label, donc c'était Four Knox 5 avec un chanteur et musicien funk qui s'appelle Joe Quaterman et le morceau s'appelait Don't Go. Donc voilà, pour dire que vraiment ce label sort des produits de qualité uniquement en 45 tours bien sûr. puisque leur, le nom du label Dinked Records fait référence au trou énorme des 45 tours. Ah d'accord, c'est donc ça. Et puis si vous voulez vous référer aussi à des petites infos dessus, vous pouvez aller sur le site de l'Antichambre, je vous ai fait un petit article comme avec Fraternity Music Group. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour les artistes qui sortent des disques en vinyle et en 45 tours en particulier, Dinked Records, c'est un peu le label par lequel faut passer, enfin je sais pas si c'est par lequel faut passer, en tout cas par lequel on passe facilement en ce moment, puisque voilà, il y a des artistes français, il y a des artistes américains, on a vu des néo-zélandais, je crois, voilà, avec Vdel, et puis il y a des gens du rap, il y a Fornox 5, c'est plutôt musique électronique, enfin c'est un canadien, je crois, non non, c'est des américains, c'est un duo américain. Donc il touche un peu de plus en de un monde assez large, c'est ouais. Nick Mike qui est canadien. Voilà, c'est ça. Donc ouais, vraiment il ratisse large et en plus c'est plutôt bon ce qu'ils font. Et puis ils ont aussi à venir, je pense qu'il y a aussi un 45 de Chris Reed. Donc DJ affilié au label BBE. Donc ça, ils en sortent vraiment très souvent. Ouais. Donc voilà, à surveiller. Ensuite, après, je vous ai passé donc Monsieur G-Rock des Fabulous Beat Junkies, et aussi du label Stone Throw. Donc c'était deux petits 45, on va dire hommage. Le premier donc s'appelle Break Yourself. On a écouté donc les deux faces. Il y en a une qui s'appelle Breakbeat Lenny Tribute et l'autre s'appelle Breakbeat Lou Tribute. Donc ça fait référence à Monsieur Lenny Roberts et Breakbeat Lou qui s'appelle Luis Flores, pardon, qui sont donc les instigateurs des fameuses compilations Ultimate Breaks and Beats. Donc je sais plus combien il y a de volumes, je pense qu'il y en a plus d'une vingtaine. Là ils vont fêter leur 30e anniversaire et d'ailleurs le label Get On Down va sortir, je pense c'est en 86 exemplaires, alors je sais pas pourquoi. Je pense 86. Ça a dû démarrer en 86, voilà, voilà, tout simplement. À fait, j'ai pas fait le calcul. J'ai vu ça juste avant de venir à l'émission. Ils vont sortir donc 86 espèces de coffrets. Compilation un peu avec je pense une figurine, poster, enfin un truc la totale comme ils savent le faire. Et donc ces compilations hein, ça regroupait tous les plus grands classiques, les plus grands drum breaks qui ont servi aux DJ et surtout beaucoup aux producteurs. Tous les plus grands producteurs qu'on a écouté dans les années 90 se sont référés à ce genre de compilation. Et ça se fait, je pense, encore aujourd'hui. Carrément. Et puis donc, l'autre hommage de J-Rock, c'était au Godfather of Soul, Monsieur James Brown. Donc le petit 45 tours s'appelle The Funky Press Mix. Donc là, il y avait la part 1 and 2 et la part 5 and 6. Donc voilà, des petits trucs de qualité. C'est des vrais break library là, voilà, les 45 tours qui sortent en ce moment J-Rock. Tout à fait, vraiment les classiques. On va partir donc sur tes découvertes, parce que moi je ne connais pas du tout ce que tu vas nous jouer ce soir. On va changer d'univers, c'est un peu ça nous arrive assez souvent dans l'émission. Donc je parlerai après, on va surtout écouter ça. En tout cas, je vais alterner entre un morceau de The Bongo Hop et un morceau de Bosque y la Candela All Stars. Allez, restez sur les 105.9 de Radio Hellebore dans cette nouvelle émission de l'Antichambre. Fiesta. che ne sa c'entra. Oba. Ui. Papà esa. Que te cogió la tarde, móntate que móntate, el mundo te espera. Súbete que súbete. llamando del África, sí señor. Quieren que cante porque yo tengo sabor. Mi Puerto Rico se escucha en el mundo entero, porque en Borinque sabemos tocar los cueros. Tenemos bomba, tenemos plena. Quieren bailarla porque la cosa está buena. Et oui, on était bien à Porto Rico avec le Seigneur Albertino. Exactement. On a voyagé entre effectivement Porto Rico et Cali en Colombie, puisque donc, comme je l'annonçais au début, on s'est écouté un petit ping-pong de deux projets. Je ne vais pas forcément détailler les morceaux qu'on a écoutés, mais les deux projets, donc c'était un titre sur deux hein, à chaque fois. Le premier, c'était The Bongo Hop. Donc ça, c'est le projet d'influence colombienne, donc on a retrouvé des sons plutôt cumbia et notamment on a retrouvé au micro une colombienne qu'on a l'habitude d'entendre dans l'émission, mais en général toujours aux côtés de Quantique. Il s'agissait de Nidia Gongora qui participe à plusieurs titres de cet album, donc qui a été initié par un Lyonnais qui a vécu à Cali. Il s'agit du trompettiste Étienne Cévet. Donc c'est lui qui est un petit peu à l'initiative de ce projet, donc sur lequel on retrouve notamment deux Colombiens, enfin une Colombienne, Nidia Gongora, et puis un rappeur colombien, Mike Sell. Et puis on peut aussi noter la participation d'un autre Lyonnais à l'album, le producteur, bassiste, DJ, producteur, enfin multi-instrumentiste, Patchworks. Ah bah il est vraiment partout. Ah il est partout, exactement. Et puis l'autre projet, c'est un producteur américain, c'est Bosk. On le connaît puisqu'il fait partie, c'est la moitié des Whiskey Barons. Et il a sorti tout récemment donc San José 501, accompagné du groupe La Candela All Stars. Donc c'est un projet qui rend hommage à Porto Rico. Il a été enregistré notamment dans le vieux San Juan, la capitale de Porto Rico. Et en fait, Bosk a assuré tout ce qui était le côté production, en fait la base un petit peu électronique, on va dire. Et puis il a fait participer donc des légendes de la salsa portoricaine, notamment pas mal de percussionnistes, des joueurs de plena, la percussion typique de Porto Rico. Donc voilà, en tout cas deux. de super projets pour cette fin d'année qui sont vraiment très très bons. The Bongo Hop est sorti sur le label Underdogs Records. Et puis San Jose Cinquecento et Uno est sorti sur le label Candela Records. D'ailleurs, pour ceux qui suivent, qui se rappellent Mi Swing Tropical de Quantic et Nicodemus, c'était aussi le Candela All-Star qui les accompagnait. D'accord, bah c'est très bien, c'est très complet. Et d'ailleurs, on peut même se référer à la chronique. Exactement, allez faire un petit tour sur le site radio-antichambre.com puisque j'ai rédigé une petite chronique sur cet album de Bosque tant je le trouvais bon. On rédige pas énormément de chroniques, mais en général, quand on sort notre plume, c'est que ça vaut le détour, a priori. Et puis c'est bien parce qu'on appuie ça avec une émission de radio, donc c'est parfait. Et ben voilà, que demander de plus? Si ce n'est un dernier morceau pour clôturer oui, l'émission. Veut, je veux bien. Voilà. Donc on va s'écouter un autre titre de The Bongo Hop, qui va un petit peu synthétiser tout ce qu'on s'est écouté dans cette émission, puisqu'on va revenir donc aux sonorités colombiennes, mais avec une petite touche hip-hop, puisque The Bongo Hop pour ce morceau est accompagné du rappeur colombien Maixel. Et c'est parfait, on se dit ça à la semaine prochaine. Et puis, sur 105.9, Radio Les Bords. Voilà. Restez bonne semaine branchés. À tous. Ciao. La misma canción, el mismo son, el mismo renglón, siéntelo en el corazón. Cada día da la bienvenida a la experiencia. Dios me da el camino y la inteligencia. Son tantos los sueños, sueños logrado. Cada vez mejor, olvidando el pasado que me lleva a lo mejor de los tiempos. El sentimiento, seguir luchando lo que siento hoy. Este es el bang bang. Hola, ¿cómo lo quieres tú? Siéntela sola. Yo te acaricia tu piel y sentimientos. El vivir bien y con fundamentos. Eso es lo que siento. Yo, busca el amor, también el apoyo. Vive sin problemas y sin rollos. Ten cuidado con los problemas y los odios. Para perder y olvidar el cuento, siendo la tensión eterna. siempre, aquí siempre fue así. Somos felices en el lugar donde somos. Aguán para todos.